De qui parlez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bienvenue à la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Cette semaine, du côté franco, vraiment pas grand-chose. On a reçu de nouveaux singles des formations Mercredi et Futur Lofter. Ça, c'est le nom des pièces. Pardon, Bonne Journée et Maraudeur sont le nom des artistes. Du côté anglophone, on a reçu un petit peu de Sonic Youth, de Gruesomes, de Malik Shahid, un paquet d'autres affaires comme ça. On va entendre peut-être quelques-uns de ces artistes-là d'ici la fin de l'émission, mais on va commencer par le premier single de la journée qui nous vient de Maraudeur. La pièce s'appelle Futur Lofter. On écoute ça et puis on revient à la chance au coureur. S'adresse à qui le masque peut faire, à tous ceux qui vendraient leur mère pour boire, à tous les crossoyeux du système, hebdomadaire, buveur de deux douzaines, grand amateur de Wildcat tablette, parce que vin est trop large pour la mettre aux frettes, grand détenteur de chèque à vie, locataire de taudis VIP. Porteur de coupe, longueuil, ex-vacancier, de somme d'accueil, futur lofter de Donnacona, amateur de tattoo d'avant-bras. Critique sociale, autodestructive, absence morale, sanction punitive, mon tribunal, juge avant procès. Mais plus son chèque qu'au petit adulateur du Made in USA, fêtant la Saint-Jean-Baptiste du mot par année. Jalouseur de son prochain, ferme disciple du ferrier. Prêcheur d'ésotérisme, prenant l'horoscope comme assurance touriste. Critique sociale, autodestructive, absence morale. Ils ont vraiment envoyé juste un single d'une minute 15. Vraiment. En tout cas. Donc, bonne journée avec Mercredi. C'est le nom de, ben, en fait, c'est le nom de la pièce Mercredi. Le nom de la formation, c'est Bonne Journée. Et puis, je regarde sur le single, c'est vraiment 1 minute 38, leur pièce. C'est quand même le fun à recevoir. Juste avant, on avait entendu un autre single, la seule autre sortie francophone de la semaine assez fou. C'est Maraudeur avec Futur Lofter. On avait parlé là-deux la semaine passée un petit peu. Ils nous avaient envoyé une autre pièce. Enfin bon. Donc, voilà. Je fais le tour pour Maraudeur. Du côté anglophone, ce qu'on a reçu, c'est seulement, deux groupes du côté alternatif anglophone. On a reçu aussi des disques canadiens. On a reçu un paquet de choses variées qu'on passe peut-être pas souvent à l'émission, mais qu'on va peut-être se gâter aujourd'hui. On a reçu des disques de musique actuelle, une trame sonore et un petit peu de world et de jazz. On verra ça plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on a reçu un album de Sonic Youth. On m'a dit que c'était pas une nouvelle sortie, mais bien un disque qui est sorti un petit peu avant Noël. On vient juste de le recevoir cette semaine assez fou, donc pour nous, c'est nouveau. Et comme on dit dans le domaine, ou comme je me plais à le dire tout le temps, si vous l'avez pas entendu, alors c'est nouveau pour vous. Hein? Donc Sonic Youth, The Destroyed Room, B-Sides and Rarities, voici la pièce Fire Engine Dream à la chance. Au courant!

Sonic Youth et Fire Engine Dream de leur album The Destroyed Room, B-Sides and Rarities. Si à la chance, au courage. Vous écoutez l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou depuis les 7 derniers jours. Donc Sonic Youth, voilà, The Destroyed Room, c'est très bon. J'ai vraiment aimé cette pièce très très longue de 12 minutes. Si vous voulez en entendre plus, il va falloir écouter l'album au complet en vous le procurant. C'est bien. Il reste un seul autre album d'anglo alternatif. Comme j'avais dit cette semaine, il n'y a pas beaucoup de choses dans chaque catégorie, mais quand même, on s'amuse à les écouter un petit peu. Tantôt, on avait entendu du Bonne Journée avec un single qui s'appelait Mercredi. Et j'ai un petit document de presse à leur sujet, donc parlons-en un petit peu. Bonne Journée avec un point d'exclamation. C'est bien précisé, c'est le nom du groupe. Bonne Journée, une bonne humeur à ton image. Le dernier cheveu sur la soupe arrivé dans la scène pop-rock, pop-punk pour les 12-17 ans ainsi que leurs parents est ici pour tenter de révolutionner le monde des écoles secondaires. Formé un peu en 2004, mais plus définitivement en 2005, pour que ses trois membres puissent échapper à leur passé musical douteux, Bonne Journée regroupe Israël Trudel-Denis, ou Za, à la guitare, Vincent Larouche Vinch à la basse et Benoît Poirier, ou Bi, à la batterie. C'est écrit dans le texte « Yé ». C'est le trio positif de l'heure, selon un commentaire laissé par quelqu'un sur MySpace, car Bonne Journée est là de ceux qui ne sourient pas. De nos jours, faire de la musique contente, c'est vraiment perçu comme bizarre, mais Bonne Journée est là pour toi, mon ou ma nouveau ou nouvelle meilleur ou meilleur chum. C'est drôlement écrit, mais bon. Avec bientôt plus de 20 spectacles en un an, à Montréal et à l'extérieur, et presque autant de fans, Bonne Journée s'est taillé une petite place au cœur des radios universitaires avec un simple indépendant de deux chansons qui a été au palmarès de la CRU, qui est la coalition des radios universitaires qui regroupe les différents palmarès des radios universitaires, pendant 2 mois et pendant quelques semaines ailleurs au Québec. Mais ça, c'est rien pantoute, parce que le premier album enregistré par Marc-André Baudet et Hugo Mudy des St. Catharines sortira en 2007 sur Fight the Mentality Records. Puis là, tout le monde va vouloir être notre ami. C'est ce que dit leur document de presse. Oui, Bonne Journée, c'est pas mal cool. Si tu veux en apprendre davantage ou juste te tenir au courant, visite lebonnejournée.ca pour les dates de spectacle à venir, des chansons à télécharger et d'autres cossins. On t'aime, B, Vinch et Za. Ah, c'est super beau. Israël a 22 ans, Vincent 24 et Benoît 22 ans. Donc, c'est un groupe jeune. C'est un groupe fringant. Et ça fait bizarre de recevoir un single de 1 minute 38 de la part d'un groupe. C'est bizarre. Non. Enfin, on était rendu à l'anglophone. Après Sonic Youth, passons à Ricky Lee Jones. L'album s'appelle The Sermon on Exposition Boulevard. Et on va entendre la première pièce de l'album qui s'appelle Nobody Knows My Name. Et puis on en parlera après. Et ça va être juste au retour de cette magnifique pause publicitaire. Restez là!

premier extrait radio du nouvel album de Ricky Lee Jones. L'extrait est Falling Up de l'album The Sermon on Exposition Boulevard. Ricky Jones, née en 54, est une gagnante de 2 Grammy. Elle est, on l'appelle, vocaliste, musicienne et écrivaine, si on veut, de chansons. C'est ce que ça dit sur son article sur Wikipédia. Elle vient des États-Unis et pendant sa carrière, qui a duré jusqu'à maintenant 3 décennies, elle a enregistré des albums dans différents styles musicaux, dont le jazz, le R&B, le blues, le pop, le soul et ce qu'on appelle les standards américains, les chansons super classiques du domaine de la musique américaine. Voilà, donc Ricky Lee Jones. Et l'autre pièce avant, c'était Nobody Knows My Name, la première pièce de cet album-là. Maintenant, on a terminé avec l'alternative anglophone. On saute un petit peu sur l'anglophone rock. Pardon. Le groupe s'appelle The Gruesomes. L'album est Live in Hell. Ça a été enregistré au pub Flamingo de Halifax en Nouvelle-Écosse en 1989. Les membres du groupe sont Bobby Beaton à la guitare et la voix, Jerry Alvarez à la guitare et la voix, John Davis à la bass et John Knoll à la batterie. On va entendre une pièce qui s'appelle Dirty Rubber. C'est la première de l'album, mais vous pouvez aller aussi retrouver le groupe sur MySpace au myspace.com/TheGruesomes. Tout de suite, voici Dirty Rubber à la chance. Au courant. Are you ready to open the gates of hell? Now maybe somehow I could have forgiven her, but the old girl, she even took my guitar. I said, you're a dirty robber. I said, you're a dirty robber. Yeah, you took my love and you run away from me. Change my heart, cause you don't love me no more. You got me feeling in a misery. How could I be? Your love is much too smart. Change my heart, change my heart. Baby, let me go. Change my heart, cause you don't love me no more. Feeling in a misery. How could I, how could I be? Your love is much too smart to train my heart. Your spell, like a man in a dress.

trois pièces. Les Gruesomes de leur album Live in Hell en direct du pub Flamingo de Halifax en Nouvelle-Écosse en 1989. On a entendu les trois premières pièces de l'album Bikers from Hell juste avant Unchain My Heart et au début du bloc c'était Dirty Rubber. Et voilà, donc c'était l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Parlons un petit peu des Gruesomes. Donc, ils sont gentils, ils nous ont même écrit un document de presse en français. Hein, c'est quand même bien. Donc, les tyrans du teen trash capturés live dans toute leur gloire, gory glory, au fameux pub Flamingo durant un week-end très froid de janvier 89 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 24 puissants morceaux de pure énergie, Fuzz Fuel Frenzy, incluant une chanson bonus cachée, Track Number 4, Believe My Kitten Alone, montrant un groupe ayant accumulé de l'expérience et de la pratique grâce, entre autres, aux tournées qui a un fun fou et qui en apprécie chaque instant. On voit que c'est quelqu'un qui connaît, c'est peut-être un petit peu moins la langue française, mais quand même. Tout le meilleur est réuni, leur hippie rare, extrait de compilation, plus les chansons d'album. Cette compilation live fut originalement enregistrée et lancée en cassette pour le fan club et vendue exclusivement lors de leur concert, maintenant offerte pour la première fois par Ricochet Sound sur disque compact, remixé et remasterisé, également avec un nouveau look artistique par le Gruesome Jerry Alvarez, qui est un des membres du groupe, incluant aussi des photos de ce spectacle. L'exubérance crue des Gruesomes et leurs influences musicales passent des années 60 à aujourd'hui, mais va plus loin, créant ainsi un style et un son qui sera pour toujours intéressant et intemporel. Alors, montez le volume et amusez-vous. C'est ce que dit leur document de presse. Donc, l'album s'appelle Live in Hell. C'est un groupe de garage punk psychedelic et célèbre leur 20e anniversaire cette année. Vous pouvez aller voir sundazed.com, sundazed.com ou encore le myspace.com/thegruesomes où vous allez entendre des pièces dont You're Not the Boss et un paquet d'autres affaires sur leur MySpace. Génial, ça c'est la formation de Gruesomes. Je regarde dans ma pile de choses que nous avons reçues cette semaine. Il nous reste encore un petit peu de Canadian, il nous reste du World, il nous reste du Jazz et des choses comme ça. On va y aller avec, tiens, le premier que j'ai sur ma pile ici. Jacques Clément, son album, ça s'appelle Smile for a While. On va l'entendre une pièce qui s'appelle Nice to See You Again. En fait, c'est un hippie de Clément Jacques et non pas Jacques Clément, c'est comme ça. Ça a l'air d'être Jacques Clément, mais c'est Clément Jacques en fin de compte. ClémentJacques.com est son site web. C'est lui qui a écrit toutes les chansons, qui joue de la guitare acoustique, il fait la voix, il fait les back vocals, il fait, je sais pas qu'est-ce qu'il fait d'autre, mais il fait sûrement un paquet d'affaires. Donc tout de suite, voici ce Clément Jacques avec la pièce Nice to See You Again, et on en parle après à la chance au coureur. So nice to feel the rock of paper under my pen. And it's been a long time since I wrote something, but since then I found a picture of the writings. You gave me someone else's words. Said that I wasn't, and that I wasn't, and that I was an inspiration for her. Who knows if she's right? It's nice to see you again. So nice to feel that a friend is always there. There in the air. You gave me someone else's words. Yeah! Un petit peu de yodel en plein milieu de ça, c'est ça. Clément Jacques avec deux pièces de son nouvel EP. En fait, c'est pas nouveau du tout parce que je viens d'aller me renseigner un petit peu sur Clément Jacques, sur son site web au clementjacques.com. Très bon Jack d'ailleurs, ce gars. Un bon Jack. Donc Clément a été choisi pour assurer la première partie de la Canadian Idol Eva Avila à Montréal le 14 février. Donc ça, c'était il y a quelques jours. À Sherbrooke le 16, Québec le 24, ça s'en vient. Trois-Rivières, mon Dieu, le 27 février. Et à Granby le 28. Smile for a While est un CD de 5 chansons qui est disponible depuis le 4 août 2006. Donc on l'a reçu extrêmement tard et permet de patienter jusqu'à l'apparition de son premier album dont l'enregistrement est prévu pour le printemps 2007. Ça devrait s'en venir très bientôt. Tu vas faire ça l'entendre une deuxième pièce ou au moins un extrait parce que c'est déjà la fin de la première heure. Dans la deuxième heure, un paquet de musique anglophone. En fait, ça va être surtout du Canadian, mais ça va être très bon. Va falloir rester là pour ça. La chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique. On reçoit des camions de nouveautés. On les écoute en direct avec vous et on donne notre opinion ou au moins quelques renseignements sur ces artistes. Tout de suite, voici Clément Jacques avec Blind Lovin' à la chance au coureur. Of now, there's no time. Everyone seems so fine. They're laughing and having fun. This moment is priceless for everyone. Things have changed, but not all for the better. Things remain the same, and so it goes for the lovers. Writing about this moment on my cousin's bed. This moment isn't clear in my head. Please love and live, learn from above to give. Smile and be proud about what the present is. What a future's gonna be. Please love and live. Bon retour, c'est la deuxième heure de la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est votre ami Mathieu. Allô. Donc, dans cette deuxième heure, beaucoup de musique canadienne. On va commencer par le bloc Pousse ta chance, si ça vous dérange pas trop. Le bloc Pousse ta chance, ben, c'est qu'on donne une chance à plusieurs artistes en laissant une seule pièce. Et si jamais on aime ça, on en ajoute une deuxième. Donc, on va faire ça avec du canadien aujourd'hui. Ça va très bien aller, vous allez voir. Johnny Stevens est le premier artiste qu'on s'en va entendre. Vous pouvez le retrouver sur le johnnystevens.ca. On écoute une pièce qui s'appelle Starting Over et on parle de lui juste après. À la chance! People go, but memories remain. For the time you couldn't be there. And I walked a million miles and faced a million trials. Still we passed them all. When we walked, when we talked, when you said don't. You drink, what you take, your time and think. I listen as cool would pass through your mouth. You told me on that fateful day, a time like these, and bound to stay. I wouldn't blame you if you left. When we walked, when we talked, when you said, don't even. You fall, what's your waste? The last phone call on a person that you hate. Fire shooting in your veins, took away your lifeless pain, took away the fire in your eyes. Starting Over de son album éponyme. C'est assez bon pour qu'on en passe une deuxième pièce. Mais avant, parlons un petit peu de l'artiste Johnny Stevens de Halifax en Nouvelle-Écosse. C'est du folk rock, rock punk. Et puis, vous pouvez aller le retrouver sur johnnystevens.ca. Mais je dois préciser que c'est Johnny sans le H. J-O-N-N-Y Stevens, S-T-E-V-E-N-S.ca. Les membres sont Serge Sampson, Ian Mosher, John Epworth, Johnny Stevens et Chris Gills. Leurs influences, Billy Bragg, Joe Strummer, The Pogues, Steve Earle et Paul Westerberg. Oh, et The Clash. D'accord. Donc, vous pouvez aller voir aussi le myspace.com/JohnnyStevensMusic. Faites attention parce que si vous allez sur /JohnnyStevens tout court, il y a un gars qui lui ressemble étrangement, qui s'appelle aussi Johnny Stevens, mais qui vient des États-Unis. C'est pas le bon. Donc, Johnny Stevens, son album éponyme, le vrai, le seul, le Canadien. Mais pas le seul, c'est ça. Va sortir le 20 mars. Prochain, vous pouvez entendre les pièces Starting Over et You Can't Take Me, celles qu'on s'en va entendre dans quelques secondes, sur son MySpace. Donc, tout de suite, Johnny Stevens, You Can't Take Me. Est-ce qu'on gage là-dessus? On gage là-dessus? La chance au courage sur C'est Fou 89.1 FM. Men broken by the same hand. Tell me how, which one will take a stand? You see, I'd say to keep you on the pavement and tell his family they got nowhere to go. Christmas toys and the life they've destroyed to stay on top for eternity. And the sacred soil that a bloody toil for is being bombed in the name of oil. You can take me, you can take me, you can take me away, my friend. Try to shake me, but you'll never break me. I know I'm alive in the name of she'll tell you everything's not fine, but she bought it up cheap. Kicked us off her own seat. She got a soul, my youth away. It's been a war, it's been alright. No, that's for me. What he does is right, but you fill it all up. Tear it all out. We are a thought for those who live around. You can take me, you can take me, you can take me away, my friend. Trying to shake me. Young men each have the same hand, help their friends get off the ground. But you see the generations coming together, raising up their voices all to take a stand. Not one voice, not one choice. I've never been more needed than right now. So get bands together, stand forever, raising up against all those who keep you down. You can take me, you can take me. Try to shake me, but you'll never break me. I know I'm the right, but maybe wrong. You can take me, you can take me, you can take me away, my friend. Try to shake me, but you'll never break me. I know I'm the right, but maybe wrong. No, I'm the right, but maybe wrong. No, I'm the right, but maybe wrong. Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Myself de l'album qui s'appelle Closer to the Flame. J'aime ça faire ça des qui s'appelle. Plein de gens qui disent ça. Enfin bon, donc Against Myself, Joe Croker, parlons un petit peu de lui. Il fait dans le pop acoustique Roots. Joe Croker, je vais l'appeler K-R-O-E-K-E-R. C'est son site web qui est au sa.com. Sinon, myspace.com/Joel Croker. Il vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Et vous pouvez voir le vidéoclip de Goodbye Jane, de la pièce The Wind. Écouter un paquet de pièces sur son MySpace. Et puis, on s'en va entendre une deuxième pièce. C'était assez bon pour ça. Je trouve que jusqu'à maintenant, le bloc Pousse ta chance va quand même bien. Beaucoup mieux que certaines semaines où on a de la difficulté à passer une deuxième pièce pour un seul artiste. Donc, tout de suite, on entend la deuxième pièce. Et plus tard, on va entendre un autre artiste canadien qui s'appelle Rain. Formation Rain. Là, à la chance au courage. Fire, all alone, always sinking like a stone. Le bloc Pousse ta chance de la chance au coureur, on transitionne de Joel Croker à la formation Rain tout de suite. La chance au coureur et de l'introduction, on passe à Good Experience. C'est tellement une belle introduction à une pièce. Hein? C'est un peu comme la vie. The Poison Darts et Graydon James. deuxième pièce de Rain. À la chance au coureur, elle s'appelle Along the Way. Juste avant, c'était Good Experience et puis l'introduction de l'album éponyme de Rain. Parlons un petit peu d'eux. C'est du rock canadien, hein, vous l'avez compris, on est quand même dans le bloc canadien de la chanson coureur. Ils sont au rain.ca, R-E-Y-N.ca ou encore sur myspace.com/rainmusic. Pas beaucoup d'informations sur le groupe sur leur MySpace, mais vous pouvez quand même télécharger des pièces comme Along the Way et puis Pick You Up. Mais ici, je retrouve quelques feuilles qu'on m'a envoyées de Rain. Donc, leur album éponyme sort en mars 2007 et ça dit Warm Rock, donc du rock quoi, chaud, tiède au moins, avec des éléments remarquables d'acoustique, de funk, de blues, de world, d'improvisation et de son jam band sounds qu'ils appellent. Paul Sanchez est le frontman du groupe et ça dit dans le document qu'il parle de vie, mais en fait il chante au sujet de la vie et rassemblant. Enfin, il a déménagé de l'Ontario aux États-Unis avant de s'installer à Ottawa avec sa famille. Et les critiques disent « Belle complexité entre les guitares, batterie africaine unique avec... » C'était une très belle addition, voilà, un très bel ajout au groupe. Okay, ben, apparemment, il y a beaucoup d'instruments genre world dans l'album de Rain. Voilà pour ça. Prochain CD qu'on s'en va entendre, ça vient de notre ami Graydon James. Son EP s'appelle The Ominous Panda. On va entendre dans quelques secondes la pièce Confession. Mais regardons un petit peu ce que ça dit sur la feuille ici. The Ominous Panda, c'est comme une balade en manège qui dure 23 minutes. 8 chansons qui parlent de vieilles personnes, de petites villes, de cœurs brisés, de belles-sœurs des années 70 et des claquements de mains. Voilà, c'est ça. Graydon James est l'ancien batteur de petits groupes indépendants peu connus tels que les 68s, Hill et Claire Love and the Sweethearts et est présentement le batteur pour Sir... The Mavens, The Friendless Youngsters, The Kindly Ones, Ryan Partridge et The Pocket Company. The Ominous Panda EP est sa première expérience en enregistrement sans kit de drum. OK, c'est ce que ça dit. Même si en écoutant les chansons, apparemment, ça paraît pas. Ça dit qu'il y a plus de couches de percussion que... je pense que c'est une phrase de blague ici. Que la fois que Stump s'est battu avec le Blue Man Group. Est-ce que vous connaissez le Blue Man Group? Est-ce que vous connaissez Stump? Enfin bon. On écoute une pièce de The Ominous Panda EP. Voici tout de suite Confession à la chanson coureur. Sur C'est Fou 89 FM, on découvre les nouveautés musicales avec vous. Messing around, or it'll go off and hurt someone. What a fiasco! You fell in love too fast. That's why you don't know my favorites, and that's why we won't make it. What you know, you seem to think that you own a piece of me. Oh, foolish heart, don't pretend you won't let go. It's not too late, hey, to start. Thank you. a mistake, but it's not too start again. It's not too late to start again. And now I'm scared of what you know. You seem to think that you alone know a piece of me. Oh, foolish heart, don't pretend you won't let go. It's not too late to start again. It's not too late to start again. I got any doors? You and me, we know it's love. It's gotta be, cause that's enough. We're crazy in the sack every other night. You and me, we know it's love. Everything says that's enough. You better believe that everyone wants a piece of them. Yeah, everyone wants a piece of them. You and me, we know it's love. Yeah, you and me, we know it's love. You and me, we know it's love. Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Would a girl dressed like that like me? Are you guys gonna be quiet or? Hey, shut the fuck up. You like me best when I am down. You like me best when I am down. Yeah, you get a kick out of kissing my brow. And I wish you could see that I can't make you happy. You're all I make. I want you to see that you're loving me for the wrong reasons. I believe if you don't leave, I'll wreck another human being. A wreck of a human being. A wreck of a human being. A wreck of a human being. Don't be careless with your love. Don't be careless with your love. You're taking heartache like you can't get enough. Those feelings inside you are meant to gently guide you. So throw me out, cause I've gone bad. And I want you to see that you your loving me for the wrong reasons. I believe if you don't leave, I'll wreck another human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being. Oh, you write songs that make me cry, and you'll say things that make me want to die, but it's not your fault, it's mine. No, it's not your fault, it's mine. And I want you to see that you're loving me for the wrong reasons. I believe if you don't leave, I'll wreck another human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being, a wreck of a human being. A Wreck of a Human Being de Graydon James de l'album The Ominous Panda EP. Une des choses que j'ai bien aimé jusqu'à maintenant cette semaine, parle un petit peu de Graydon James pour voir, c'est il fait dans le folk rock acoustique alternatif. Il vient, selon son MySpace, de Torontonia en Ontario. Vous pouvez aller voir GraydonJames.com, Graydon, G-R-A-Y-D-O-N, James.com ou encore MySpace.com/GraydonJames. En gros, c'est pas mal. Lui, le membre, ça dit qu'il fait pas mal tout. Laura Spink, souvent, qui fait des backup vocals. Et puis il dit Paul McCartney qui nous donne des grosses tapes dans la main à chaque jour. Ok, donc voilà, et vous pouvez entendre des pièces dont Confession et donc She's So Heartbroken. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est Confession, The Kind of Love We Know. Et puis, ce qu'on vient tout juste d'entendre, c'était Wreck of a Human Being, vous l'aurez bien deviné. Graydon James, magnifique, c'est dans les finalistes pour le coureur de la semaine. Continuons avec un autre band qui se nomme The Poison Dart. Leur nouvel album s'appelle Get Hot. Et puis, apparemment, nous, on a reçu une copie dans une boîte de plastique, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais le CD est disponible en ce moment dans une belle pochette de carton recyclé, collée et dessinée à la main par les membres de The Poison Dart. En tout cas, certaines des pochettes, j'imagine, peut-être pas toutes. Vous pouvez télécharger des MP3 sur le site, dont les pièces qu'on va entendre aujourd'hui, Lalo Lalo, qui est la première qu'on va entendre, et là-dessus. Et puis, il y a une biographie de ce groupe-là, et puis un paquet de belles choses, de belles couleurs. Ça a l'air très amical comme band. Je regardais leur document de presse qu'ils nous ont envoyé ici. Ça nous dit que les membres sont Alexander Mahan à la voix, la guitare, la basse et la batterie, Megan McDonald à la voix, guitare, clavier et basse, et Jay Arner à la batterie, basse, guitare et voix. Donc, on voit que les membres du groupe sont très polyvalents. Vous pouvez aller voir le site thepoisondart.com ou encore marriagerex.com qui est leur étiquette. Ça parle de l'origine du nom. The Poison Dart, c'est une grenouille qui est un des animaux les plus poisons sur Terre. J'essaie de traduire simultanément, à partir de petites pores dans leur peau, ces grenouilles-là sécrètent une toxine de défense qui fait que les prédateurs curieux qui vont essayer de la manger vont être je pense que c'est mortel, il me semble, en tout cas, à ce que je comprends. Mais bon, The Poison Dart, c'est aussi un band qui font de la musique qui goûte bien meilleur, j'imagine, que cette grenouille-là. Ça dit que c'est une collaboration interfrontière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington et présentement Londres en Angleterre. The Poison Dart bricole leurs chansons avec différents matériaux et différents immatériaux qui disent des choses qui ne sont pas matérielles. Enfin, donc c'est pas poison, ça a l'air très bon. Donc on s'en va entendre une pièce de leur part qui s'appelle Lalo, tout de suite à la chance au coureur. Sur C'est Fou 89 ans. Lay out want all this life I've been given to just lay off. Baby, it's a shame. Continue to ignore me. life is what you lack. Poison Dart avec une pièce Rise and Shine de leur album Get Hot. Il nous reste encore une dernière pièce de ce band. Jusqu'à maintenant, c'est un autre groupe que j'ai bien aimé cette semaine. Donc, les groupes canadiens, cette semaine, ont vraiment quelque chose de particulier. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais c'est bon. Sur leur site de poisondart.com, ils disent « Ajoutez-nous sur votre MySpace. » Oh non, c'est vrai, on n'a pas de MySpace. Donc, j'imagine que c'est un autre groupe qui bannit MySpace. Mais sinon, allez voir et télécharger les MP3, comme je le disais, sur thepoisondart.com. La dernière pièce qu'on s'en va entendre, c'est Lady I've Been Hoping Long. Et puis, c'est ce qui va terminer cette deuxième heure de la chanson coureur. Dans la troisième heure, regardons un petit peu ce qu'on va entendre. Il nous reste encore quelques groupes canadiens, donc j'espère pouvoir passer Fjord Robot, Friday Morning's Regret, The Martin Annual Year 2, hein? C'était proche de ça, et Andrew Rodriguez. Et puis, il nous reste encore un petit peu de World, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tout de suite, encore un peu de Poison Dart. Reste avec nous. I would not give birth to the beginning sound. A room full of rumors that we must dispel. And even if they would not go quietly, even if they took too long to quell. Retour, c'est la troisième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est l'ami Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Danny. Bonjour. Danny est revenu pour la troisième heure. Mais oui, je vais essayer de venir toujours faire un petit tour le vendredi, sûr. Et puis s'en vont. Ensuite, petit tour et puis s'en vont. Trois petits tours et puis s'en vont. Juste un. Ouais. Mais là, en plus, j'avais préparé toute quelque chose. J'avais préparé une critique. J'ai écouté un album qui était excellent, qui s'appelle Mayumi. OK. Mais j'ai oublié l'album chez nous parce que je suis parti un peu vite. Et est-ce que tu vas en parler la semaine prochaine ou à 3.2.0? O2 peut-être. Oh, ouais. Ben, vous pouvez écouter 3.2.0 à la maison. Ben oui, c'est ça. O2. O2. Oh! C'est un bicéphale. Bicéphale. Oui, c'est ça. 3.2.0, l'émission de musique électronique éclectique ou électronique? Électronique, j'aime bien. Les mercredis de 15h. Regardez ce terme. Ben oui, je l'avais dit de le garder. Je te l'offre, je te le donne. C'est très bon. Générosité incroyable. Donc, on continue dans le bloc canadien. Depuis tantôt, on écoute de la musique canadienne. Comme ça, il nous reste encore quelques artistes à entendre. On va commencer par Fjord Robot, un nom de band plutôt spécial. L'album s'appelle Save the Compliments for Morning et on écoute la pièce Carried Away tout de suite. À la chance! Au coureur! Sur C'est fou, 89.fm. Il y en a qui disent ça, oui. Disent ça. C'est fou sur la musique 89.1. Deux pièces de Fjord Rowboat. On vient d'entendre la pièce Valuable Survive et juste avant, c'était Carried Away de leur nouvel album Saved the Compliments for Morning. Parlons un petit peu de Fjord Rowboat, Danny. Oh oui. Ooh. C'est un groupe de shoegaze psychedelic Japanese classic music. Ils viennent de Toronto en Ontario. Ils sont au fjordrowboat.com. Fjord comme dans un fjord, F-J-O-R-D, rowboat.com. Les membres sont Craig Gloucester, Ian McKay, Kevin McKay, Justin Grant et Matt Collum. Leurs influences, l'alcool, hein? Jésus. Jésus, c'est le Mary Chain. J'imagine que c'est un nom de band. Ouais. C'est ça. J'ai vu juste le Jésus. Je me suis dit, ouais, OK. Donc, Fjord Robot, myspace.com/FjordRobot, vous allez pouvoir entendre les pièces qu'on a entendues aujourd'hui, Carried Away, Valuable Survive et plusieurs autres. Très planant. Hein? Spécial, j'aime ça. Moi. C'est un des bons groupes et c'est canadien. Très bon. C'est ça. Prochain artiste qu'on s'en va entendre pour terminer un petit peu ce bloc canadien pour l'instant, c'est Friday Morning's Regret avec When Last At Sea. Mais avant, ça me tentait d'en parler juste parce que tu viens de m'en parler. Galaxy 500, c'est spécial la situation qui vient de se mettre dedans, si on veut. Ben c'est ça, Galaxy 500 avait pris ce nom-là depuis quelques années, mais ils se sont rendus compte que sur MySpace, il y avait un band qui est même l'ancien band Boston, qui est Boston, ouais, qui était un groupe assez connu, qui avait ce nom-là, Galaxy 500. Donc, ils ont eu une mise en demeure, etc. Et ils nous disent qu'ils vont garder Galaxy 500 pour quelques temps encore ici au Québec, mais pour l'international, ils se nomment désormais Galaxy et qui est quand même assez bizarre qu'il n'ait pas été pris par personne. C'est spécial. Mais moi, ce que je trouve vraiment plate, c'est que Galaxy, c'est un mot tellement générique qui veut dire absolument, dans le fond, rien. Si tu cherches sur Google Galaxy, tu trouveras jamais le nom. Ça veut trop dire ou ça veut rien dire dans le sens que c'est ça. T'as pas le droit, me semble, de t'approprier un mot comme ça. Comme arbre, porte. Ou maison, ou porte. En tout cas, il y avait les Doors, par exemple. Ouais, il y a eu ça, The les Doors. Portes, mais... T'as raison là-dessus. En tout cas. The Cars. Il y a un paquet de groupes avec des noms génériques comme ça. Peut-être que ça va marcher pour Galaxy. Surtout américain, hein, des noms avec des noms génériques comme ça. Mais ça sonne tellement mieux en anglais. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais. The Doors. Les ça portes. Ça bûche les Doors, mais les portes, c'est moins fracassant. À moins que ce soit une porte de vitre. J'allais dire que non, mais je souhaite bonne chance à Galaxy parce que j'aime beaucoup cette formation-là. Et le temps qu'ils se débarrassent de leur matériel promo québécois, ils vont pouvoir commencer à en faire du nouveau avec Galaxy d'écriture. Mais j'aimais ce que tu as dit. Ça aurait pu être G500 aussi. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'écrivent sur leur album, sur leur pochette. C'est écrit G500, aussi bien prendre ce nom-là. Exactement. Mais sûrement que Galaxy 500 veut dire quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas deux groupes qui l'auraient choisi. Exactement. On passe à Friday Morning's Regret. L'album s'appelle When Last At Sea. On entend la pièce The Wooden Sky, le ciel de bois, si on veut. Et puis, si on aime ça, on en rajoute une deuxième. Vous écoutez La Chance. Au coureur. Sur C'est Fou, 89.1. Well, I dreamt last night you were making love to a bird you swore you'd given up. Oh, I woke up shaking, and the wolves kept a watch on the wind outside. I kept my eyes towards the wooden sky. Oh, been no escaping. Oh. And the rent we'd sworn would be enough to bind a love that somehow falling short. Oh, it was overdue. So I held your breath trying to get you high. Heard your lover's song as it filled the night. And fired two shots into the sky and kept one for you. Oh, that we once called home, but tonight this child of God will be forced to choose. Oh, oh, oh, oh, be forced to choose. I know. tard à la chanson coureur Yoko Ono. Avec North Dakota, précédé de The Wooden Sky, à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Parlons de Friday Morning's Regret un petit peu. C'est un groupe indépendant de folk rock black metal. Ça sonnait pas comme ça du tout. De Toronto en Ontario. Ils sont sur le www.fridaymorningsregret.com ou encore myspace.com/FridayMorningsRegret. Les membres sont Chris Coca, Gavin Gardner, Andrew Wyatt, Simon Walker et Anissa Hart. Et vous pouvez télécharger et écouter les pièces de Wooden Sky et North Dakota sur leur MySpace. C'est très intéressant. C'est un beau petit groupe canadien, Friday Morning's Regret. Maintenant, on passe au nouvel album de Yoko Ono qui se nomme Yes, I'm a Witch. On va entendre une pièce qu'elle a fait avec DJ Spooky. La pièce s'appelle Rising. Et si vous voulez en entendre plus, écoutez l'émission Rock Classique. C'est les vendredis de 13h à 17h. C'est magnifique. Tout de suite, nos deux amis qui placotent comme ça puis qui chantent, qui font de la musique. And a lot of folks been dying just to keep them around. Non. Ça, c'est deux autres amis qui font de la belle musique eux aussi, j'en suis certain. Mais tout de suite, pour vrai, voici Spooky et Yoko Ono à la chanson coureur. Ah ouais, yeah! Cool, là ça sonne. Yoko Ono avec DJ Spooky pour la pièce Rising du nouvel album Yes I'm a Witch, un album de remix de pièces de Yoko Ono, si j'ai bien compris. Donc celle-ci était avec la voix de Ono. La pièce a été performée, produite et mixée par DJ Spooky. Moi j'avais envie d'entendre une autre pièce qui est avec Peaches. Donc c'est ce qu'on s'en va entendre. Et puis vous écoutez la chanson coureur. Il nous reste encore quelques petites affaires dont de la musique world en fin d'émission. Mais tout de suite Peaches. Kiss me love. Just one kiss, kiss me love.

Yoko Ono avec The Flaming Lips, Cambridge 1969-2007, de son nouvel album et de l'album de remix de pièces reprises et mélangées avec ses éléments à elle et d'autres éléments de d'autres personnes. L'album s'appelle Yes, I'm a Wish. On a aussi entendu avant DJ Spooky avec Rising et Peaches avec Kiss, Kiss, Kiss. Et puis, moi, j'ai aimé ça, en tout cas. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Elle a un nouvel album qui s'appelle Open Your Box, qui va être disponible en 2007. Hein? Bien, c'est écrit ici. Open, c'est ça. Et puis, ça dit, d'autres crédits qui n'ont pas à être lus avec une loupe peuvent être retrouvés sur le astralworks.com/ono. C'est bien. Donc, voilà qui fait le tour de ça. On va terminer l'émission avec un petit peu de jazz. On a un album qui s'appelle Découvre tes racines, Creative Jazz, Jazz Créatif. Ouais, qui est fait par l'Association des radios universitaires étudiantes canadiennes. La NAMBLA. Et puis, ça fait partie de leur série de Découvre tes racines de différents types de musique. Ce qu'on va entendre, c'est un groupe de Montréal qui s'appelle, ben, en fait, c'est Bobok, ou Boboka, comme vous voulez, avec un K majuscule. Et la pièce s'appelle Erroné. C'est un groupe de Montréal et on l'écoute tout de suite. Et puis après ça, ben, c'est la conclusion de la chanson. Restez là. Hein? Quand même. Avec Erroné de Montréal. Ça vient de la compilation Découvre tes racines, jazz créatif. Et je lisais à l'intérieur de la compilation ici. Découvre tes racines est une initiative de développement du talent musical canadien orchestré par l'ANREC. Le projet a pour but la promotion des artistes indépendants provenant du secteur sous-représenté et underground. On parle du hip-hop, spoken word, danse électronique, roots, autochtones et jazz créatif. Chaque compilation coïncide toujours avec des concerts simultanés diffusés en direct à travers le Canada. Pour avoir plus d'infos, c'est sur digyourroots.ca, digyourroots.ca. Danny a déjà participé à la version électronique. Ouais, c'était un beau moment. Ben, c'était correct. Hein? Cool. Donc voilà ce qui termine la chance au coureur pour cette semaine. On va couronner notre coureur de la semaine. On n'a même pas vraiment pensé. Tiens, parlons un petit peu de ce qu'on a écouté aujourd'hui. Ce que j'ai bien aimé, la longue pièce de Sonic Youth. Johnny Stevens, c'était bien. James Graydon, The Poison Dart, The Fjord Rowboat, Yoko Ono, évidemment, quelque chose qu'on aimait aussi. Danny, toi, tu couronnerais... Ben moi, à date, c'est parce que j'étais juste là dans la dernière heure. C'est sûr que les trucs de Yoko Ono, c'est ce que j'ai aimé le plus, je pense. Bon, ben le verdict est rentré. Ben là, je veux pas choisir ben ta place. T'es, toi, t'as eu la chance d'écouter les pièces francophones, etc. Mais j'avoue, j'ai bien aimé Yoko Ono. D'accord, donc c'est la fin de la chanson coureur. Danny, on te retrouve à E3 2.0 les mercredis de 15h à 16h, comme toujours. Bien sûr. Moi, je vous retrouve à La Connexion les jeudis matin et les mardis matin. La chanson coureur est diffusée en direct le vendredi à 10h et en rediffusion le jeudi à 13h. Si vous avez raté un bout de l'émission ou si vous voulez la réentendre, c'est l'heure pour le faire. Si vous êtes le vendredi, restez à l'écoute parce que Rock Classique avec Alain Lefebvre suit. Il va d'ailleurs vous faire entendre une autre pièce de Yoko Ono. Ça va être très bon. Si vous écoutez le jeudi, c'est les betteraves hurlantes qui s'en viennent. J'ai déjà hâte. Comme si j'étais vraiment là, tu sais, j'ai comme, je suis fébrile à l'idée d'entendre les betteraves hurlantes. De la part de Danny Janvier, de Mathieu Plante, de toute l'équipe fictive de la chanson coureur, comme on les appelle, parce qu'ils s'appellent comme ça. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!